moi t'es fait changer la noule et aller pour nous pas sombrer. Si moi t'es fait river, transformer toute l'idée et toute pensée. Pas t'es qu'il y a tes yeux mouillés et tout ça l'en met qu'à chercher. Pas t'es qu'il y a tout ça, t'es maman et qu'à pleurer. La preuve nous c'est Dieu nous qu'a sauvé nous. Pas te gagner tout ça, tu m'en m'as qu'à pleurer.